De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au micro. Et savez-vous qu'hier était la journée internationale de la géodiversité? Oui, j'ai bien dit géodiversité et non biodiversité. Alors, pour découvrir ce qui se cache dans la géodiversité, j'ai invité Antoine Godet, il est chercheur scientifique à la Commission géologique du Canada. Bonjour Antoine. Bonjour Valérie. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas cette journée internationale de la géodiversité. Et on va en parler après, mais avant, donc de cette journée-là en particulier, mais avant, j'aimerais qu'on parle de géodiversité. Parce que pour les personnes initiées, bah, une roche, c'est une roche. Hein. Mais derrière le terme géodiversifié, diversité, je comprends qu'il y a une diversité de roches. Une roche, c'est pas une roche. Ouais, alors c'est ça. Alors c'est par un petit peu analogie à la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est tout ce qui rejoint le monde vivant. Et donc il fallait bien qu'on mette quelque part tout ce qui n'est pas vivant. Et donc tout ce qui a trait au non-vivant, c'est ce qu'on appelle la géodiversité. Alors, on pense aux roches, on pense aux minéraux, mais on pense rarement à tous les processus de création de chaînes de montagnes, l'érosion de ces chaînes de montagnes, la formation des océans, la formation des rivières, les tremblements de terre, ah, les volcans, c'est tout ça. C'est tous les processus géologiques au sens large. Ah, c'est tout ça. Moi, je pensais que c'était les différents types de roches. Donc, je ne sais pas, un calcaire, un granit, un gneiss ou je ne sais alors, pas quoi. Alors, ça rentre dedans, mais on va plus large que ça. Ça va plus large. C'est, ouais. Ça inclut aussi donc, tous les processus qui forment ces roches. Qui façonnent notre terre au sens large. Donc, on parle du sous-sol, de la croûte terrestre, du manteau, mais on parle aussi des processus de surface érosionnelle. Ouais, c'est vraiment c'est plus large que je le croyais. Alors pourquoi avoir décrété une journée internationale de la géodiversité? Ouais, alors c'est une initiative de l'UNESCO de 2021, donc on a fêté cette année la quatrième année. Ouais. Le but c'est tout simplement de promouvoir cette géodiversité auprès du grand public. Hein. Bien sûr, plus on sensibilise, plus c'est facile de protéger notre patrimoine géologique. La géologie, c'est pas quelque chose dont on parle tout le temps, dans les médias. Ouais. Donc, je pense que c'est une vraie volonté de l'UNESCO d'en parler. Mm-hmm. Puis, on peut aussi, si on s'écarte un petit peu, mais les Nations Unies ont des objectifs de développement durable. Ouais. 17 en fait, qu'on va pas tous énumérer, mais ils s'arriment quasiment tous. Ils se basent tous sur de la géodiversité. Là, tu sais, on parle d'un accès à l'eau potable pour tous. On fait appel à l'hydrogéologie, les ressources en eau souterraine. Oui. On parle d'une agriculture pour tous, on fait appel à l'étude des sols. Donc tout ça, ça rejoint la géodiversité au sens large. Ouais, effectivement. Donc on oublie, mais c'est notre support, les roches. Et quand on parle de biodiversité, on parle souvent de perte de biodiversité, de la nécessité de protéger de la biodiversité. Est-ce qu'il y a aussi un souci d'atteinte et de dégradation de la géodiversité à cause des activités humaines? Est-ce qu'à cause de la transformation du territoire par les activités humaines, est-ce qu'on craint une perte de cette géodiversité? Alors, c'est sûr que les activités anthropiques en tant que telles ont une influence sur la géodiversité. T'sais, on va parler par exemple, un exemple simple, si on détourne un cours d'eau, à ce moment-là, ça va avoir une influence très locale sur les systèmes d'érosion. Si on déforeste et qu'on fait de l'agriculture intensive, on va intensifier l'acidification des sols, on va changer les processus de développement d'érosion de sols. Donc c'est sûr que ça a une importance particulière. Maintenant, je pense qu'il faut aussi penser à préserver le patrimoine. J'aime bien faire l'analogie avec un livre. T'sais, pour moi, les roches, c'est comme des livres. Elles ont enregistré toute l'histoire de la formation de la Terre, donc on les lit. Mais si on veut être capable de les lire encore dans plusieurs années, dans plusieurs décennies, dans plusieurs générations, il faut les préserver, ces livres-là. Donc c'est un intérêt commun de préserver ça. Puis, tu sais, c'est pas juste ça. Là, il y a aussi tout ce qui a trait autour du développement économique de l'homme. Tu sais, les ressources naturelles, les ressources touristiques. Il y a plein de parcs qui sont vraiment beaux. Tu sais, c'est donc, vrai. Il faut les préserver. Ouais. On a des archives naturelles exceptionnel, donc c'est dans l'intérêt commun de préserver tout ça. C'est vrai, c'est pas juste les ressources naturelles, c'est pas juste les mines, les ressources naturelles, mais c'est aussi les ressources, une ressource touristique, un beau paysage. Absolument, absolument. On a tous marché dans des dunes de sable, hein, donc. Ben peut-être pas tous, mais plusieurs, oui. Alors venons-en à cette journée internationale de la géodiversité, parce qu'il y avait une activité de découverte aux chutes Montmorency. Puis c'est vrai que quand on va voir les chutes, on regarde l'eau, on est impressionné par le débit d'eau et on regarde pas toujours les roches. Alors qu'est-ce qu'on peut voir, quelles roches on voit aux chutes Montmorency, en quoi c'est un site important en termes de géodiversité? Ouais, alors en fait la ville de Québec est à une naturellement est située à une jonction entre trois grandes provinces géologiques, trois grands ensembles de roches qui ont enregistré à peu près 1 milliard d'années de notre histoire géologique sur la Terre. Et puis à Québec, c'est ça, on est à la jonction, donc si je peux me permettre de rapidement expliquer ce que c'est, tout ce qu'il y a dans le bouclier canadien, donc les Laurentides, c'est côté Charlebourg, Stoneham et tout ça, les montagnes qu'on voit en arrière, finalement ça c'est les racines d'une ancienne chaîne de montagnes qui a environ 1 milliard d'années. Puis depuis elle a été érodée et donc on voit le cœur de ces racines-là. Paraît-il qu'avant elle était haute de 8000 mètres? On pense à l'Himalaya, là, c'est à peu près la même taille. Incroyable. Il y a eu de l'érosion pas mal. Ensuite de ça, on a d'autres types de roches qui sont des roches sédimentaires, des calcaires avec des fossiles dedans, qui appartiennent à ce qu'on appelle les basses terres du Saint-Laurent. Puis ça, c'est les témoins d'un ancien océan. Donc il y a environ 450 millions d'années, à Québec, il y avait un océan, type océan équatorial, là, dans des eaux chaudes. Et puis on a déposé des sédiments au fond de la mer qu'on retrouve aujourd'hui à Québec. Et puis si on s'en va de l'autre côté du fleuve, en rive sud, on est dans une autre chaîne de montagnes qui s'appelle les Appalaches. Cette chaîne-là, elle s'étend du sud des États-Unis, c'est Alabama, Caroline du Sud, jusqu'à Terre-Neuve. Et puis cette chaîne-là, elle est un petit peu plus récente, environ 400 millions d'années, mais encore une fois, qui nous offre des archives géologiques sur ce qui s'est passé à ce moment-là, comment les plaques tectoniques ont bougé à ce moment-là. Et donc pourquoi la chute Montmorency? Ben, parce que on peut apprécier toutes ces caractéristiques géologiques et voir ces trois provinces géologiques à la chute Montmorency. Ah oui? Ouais. Alors, un autre fait intéressant, c'est que la chute, elle n'est pas là par hasard. La chute, elle coule sur une ancienne faille géologique. Cette faille-là, c'est une faille majeure qui s'est formée il y a environ 600 millions d'années. Au moment où on était en train de décarteler, si je peux dire, un continent, on était en train de créer un océan. Et donc, pour accommoder ça, la croûte terrestre fait de grands accidents tectoniques, des grandes failles. Et aujourd'hui, cette faille-là, c'est sur le plan de cette faille-là que coule la chute Montmorency. Alors, si on veut s'en rendre compte, on peut aller voir la chute Montmorency. Et puis, si on regarde du côté des escaliers qui montent, là, on voit que les roches, finalement, elles ont un certain angle. On voit que c'est des roches très friables et elles ont tout un angle à peu près 50 degrés. Ces roches-là, elles se sont déposées à la base à l'horizontale dans un océan, dans le fameux océan Iapétus, il y a environ 450 millions d'années. Puis là, elles sont retrouvées à 45 degrés. Et donc, c'est dû aussi au mouvement de cette faille Montmorency-là. Elles ont été bousculées. Par la tectonique, par le mouvement de la faille. Donc là, on voit, parce que tu as dit, il y a trois, c'est la jonction entre trois provinces géologiques. Donc la sédimentaire, avec cette zone-là près de l'escalier. Absolument. Est-ce que ça veut dire que, donc à gauche de la chute, là, quand on regarde la chute, à gauche de la chute, on est dans la portion charlevoisienne, etc., le bouclier canadien? La chute elle-même coule sur le bouclier canadien. Et si on se promène en haut des chutes, on va voir que les calcaires qui se sont déposés à l'horizontale, ils sont encore là. Ils n'ont pas bougé depuis environ 400 millions d'années. C'est vrai, parce que plus loin, là, on parle des roches plates. C'est donc ça, là où exactement. On a un site où on peut aller se baigner, ou même c'est plus ça. Loin encore. Là, c'est... Donc c'est du calcaire à cet endroit-là. C'est du calcaire déposé directement sur les roches de 1 milliard d'années. Alors il y a un fait intéressant aussi, c'est qu'on a un gap de 500 millions d'années entre les deux. Donc entre le moment où les roches au cœur de notre chaîne de montagne d'il y a 1 milliard d'années se sont formées et au moment où on a déposé les calcaires dessus, il y a un manque d'enregistrement géologique d'environ 500 millions d'années, ce qui est quand même considérable. Il est parti dans l'eau, il est parti en érosion. Ouais, c'est érodé. On n'a pas de traces. Ah, c'est parti dans l'océan. Exactement. Et donc sur la rive gauche, mais donc un peu plus loin, là, donc on a des roches du bouclier canadien. Dans le fond de la rivière, Dans le fond de la rivière, on ne les voit pas, il n'y a pas de moyen de les voir. Si, à l'étiage, là, quand le niveau d'eau est bas, on est capable d'aller dans le fond de la rivière. Justement, hier, on a organisé des excursions géologiques où on allait justement montrer le fond de la rivière et cette relation entre les différentes roches. Ah oui, parce qu'il n'y a particulièrement pas beaucoup d'eau en ce moment. C'est ça. Donc ça tombe bien pour une excursion géologique. Oui, on est chanceux. Et donc la troisième province qui est celle des Appalaches. Les Appalaches, on les voit. On voit juste le relief en face. Oui. Il y a un fait intéressant avec les Appalaches, c'est que c'est une grande chaîne de montagnes sur plusieurs milliers de kilomètres. Et puis, cette chaîne de montagnes-là, elle a formé des failles, des grandes failles, des failles qu'on peut suivre sur plusieurs centaines de kilomètres. Et la faille la plus au nord des Appalaches, ça s'appelle la faille Logan. Et c'est celle qui fait la jonction entre la haute ville et la basse ville de Québec, par exemple. En fait, quand on prend les escaliers, on est en train de passer une ancienne faille. Ah oui. Et puis cette faille-là, on la continue quand on arrive sur l'île d'Orléans. On prend le pont, puis là, ça monte à la fin. Là, il y a quand même un petit relief. Ouais. Et ben, on passe cette fameuse ligne Logan, qui est une faille associée aux Appalaches. Mais est-ce que ça veut dire que donc la portion nord du fleuve, là, entre l'île d'Orléans et là, on est plutôt dans les calcaires, plutôt dans les basses terres du Saint-Laurent. Okay. Donc la faille, c'est vraiment le front, là, le côté rocheux. Ouais, on peut considérer ça. Ok, d'accord. Et donc le sommet, la haute ville, c'est les Appalaches. Même la falaise et tout ça là. Si on prend le temps de regarder ce qu'il y a dans la falaise, on va voir que c'est des schistes, c'est des roches qui ont été quand même maganées là pendant la formation des Appalaches. Ah, c'est vrai, c'est pas les mêmes types de roches peut-être. Oui. On voit de l'autre côté du fleuve là, du côté Cap Blanc, ça a l'air tout. Friable, voilà, c'est extrêmement friable. Exactement, c'est pareil, c'est des roches sédimentaires déposées dans le fond de l'océan qui après ont été chauffées pendant la formation de la chaîne de montagne des Appalaches. Ouais, fait que là, à travers ces termes-là, là, on comprend qu'il se passe des choses pour former les roches, ça se chauffe, il y a de l'érosion, ça se modifie. Puis c'est perpétuel, ça se passe en ce moment. Là. Ouais. Il y a on parle des chutes de Montmorency, mais on peut aussi retrouver un peu la jonction de deux provinces aux chutes Kabir-Kouba. Ouais, c'est les mêmes provinces dont on a parlé à l'instant là. C'est juste à la portion nord de Kabir-Kouba, on va retrouver les vieilles roches du bouclier canadien, encore une fois des styles de granit là, qui ont été chauffés à haute pression au cœur d'une chaîne de montagnes. Et puis on voit clairement par-dessus les calcaires, encore une fois, déposés à plat, qui appartiennent à ce qu'on appelle la plateforme du Saint-Laurent. Ouais, donc là, on peut le voir visuellement, là, sur les deux rives de la rivière, on voit les deux types de roches. C'est intéressant parce qu'on peut se demander, mais comment ces deux roches qui sont d'origine complètement différente se retrouvent là, côte à côte? Ouais, c'est ça. Mais il a fallu éroder beaucoup de matériel. Ouais. Hein. Il a fallu exhumer, éroder ces racines de chaînes de montagne, qu'elles soient disponibles à la surface de la terre au moment où on a déposé nos sédiments dans le fond d'un océan. Est-ce qu'il y a, et de l'autre côté du fleuve alors, du côté de Lévis, qu'est-ce qu'on voit par exemple les esquers là, les formes rocheuses, les crans rocheux qu'il y a du côté de Lévis, c'est quoi? Je suis pas sûr de savoir de quoi tu parles, mais du côté de Lévis, on est vraiment dans les Appalaches. Là, on est plutôt dans des roches type schisteuses qui vont se débiter en feuillets. Là, à chaque fois, on voit des morceaux de un peu comme des feuilles là qui se débitent les unes les autres là. Et puis plus on s'enfonce vers l'intérieur, là, plus on s'enfonce vers la frontière, vers le sud, ben on va voir d'autres types de roches, avec des roches granitiques, des roches volcaniques, mais toutes celles-là associées encore une fois aux Appalaches. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de géodiversité au Québec là, si on regarde l'ensemble de la province? Oui. Le Québec, c'est vraiment grand là. Alors on va pas pouvoir satisfaire tout le monde là, mais on peut donner quelques exemples quand même. Oui, on a parmi les plus vieilles roches au monde. On est dans le nord du Québec, au Nunavik, à l'est de la baie d'Hudson. La ceinture qui s'appelle Nouveau-Jitouk, désolé pour la prononciation, c'est environ 4 milliards d'années. Là. On regarde des roches qui ont environ 4 milliards d'années. Alors, pour rappel, la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc, c'est parmi les plus vieilles roches au monde. Si on descend un peu plus au sud, et on a d'autres chaînes de montagnes. Par exemple, si on s'en va dans les monts Torngat, à l'est du Québec. Ça, c'est une chaîne de montagnes qui a plutôt environ 1,9 milliard d'années, donc un petit peu plus vieille que celle qu'on a autour de Québec. Mais qui sont pourtant moins érodées, elles sont plus elles sont plus hautes déjà. Elles sont un petit peu plus hautes, ouais. Mais c'est ça, c'est un milliard d'années plus vieux que ce qu'il y a ici. On a aussi des faits intéressants. Tu sais, à Miguacha, si on va dans la baie des Chaleurs, on a un patrimoine paléontologique et fossilifère exceptionnel. C'est classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mmh. On a, je pense que c'est 20 000 spécimens de fossiles qui ont été retrouvés là-bas. C'est exceptionnel pour les amateurs de paléontologie. On a aussi des cratères météoritiques. Alors, il y en a plusieurs. Quand on regarde, on se promène un petit peu sur les photos aériennes ou photos satellites, on va voir plusieurs cratères. Je pense que le plus connu, c'est le réservoir Manicouagan. Là, on appelle ça aussi l'œil du Québec. Mm-hmm. Alors, celui-là, il a environ 215 millions d'années. Mais il y en a un plus proche que nous, là, à une heure de Québec, dans Charlevoix. Ouais. Ouais, si on s'en va vers les éboulements Baie-Saint-Paul, c'est un cratère météoritique qui a environ 450 millions d'années et qui a formé vraiment... qui a dicté le paysage qu'on voit actuellement de Charlevoix. Là. Mm-hmm. Si la meilleure façon de l'apprécier, c'est d'aller faire de la randonnée dans le parc des Grands Jardins. Là. On va vraiment voir l'ampleur du cratère. Mais c'est difficile d'imaginer un cratère, on imagine ça rond, mais là, c'est difficile de se représenter, on ne voit pas très... Alors, c'est étrangement rond, quand même. Ouais. Si on va dans le parc des Grands Jardins, on va vraiment voir l'arc de cercle. Okay. L'affaire, c'est qu'on n'a pas le cercle au complet, on a un demi-cercle. Ouais. Et puis, ça fait quand même 70 km de diamètre. Donc... C'est pour ça que c'est difficile de se représenter. Parce qu'on voit pas forcément les 70 km quand on est en haut du mont du lac des Cygnes, on voit pas forcément les 70 km. Non, c'est ça, mais si on y pense, on peut s'imaginer un petit peu. Ouais. Et puis tout au nord aussi au Nunavik, il y a un cratère aussi. Il y en a plusieurs, il y a Pingalwit. Je sais pas quel âge il a par exemple celui-là, mais vraiment parfait, un rond parfait. Effectivement. Ouais. Donc ça nous donne une idée quand même de la diversité des roches au Québec, donc une roche, non, c'est pas une simple roche, elle a toute une histoire, cette roche-là, et puis on a l'impression des fois, nous, comme des mortels, qui ne sommes pas les géologues, que tout ça c'est immuable, que ça bouge pas, que on dit bien c'est dur comme du roc, mais en fait ça change, il y a l'érosion, t'en as parlé, il y a la tectonique des plaques, il y a des pressions, il y a des températures, donc les roches sont soumises à de fortes pressions, fortes température. Est-ce que c'est ce que vous étudiez à la Commission géologique du Canada? Entre autres, alors on étudie beaucoup de choses qui couvrent un large pan des géosciences. Mais moi, ma spécialité, c'est plutôt ce qu'on appelle le métamorphisme. Le métamorphisme, c'est la science, en tout cas, c'est les roches qui ont été transformées à haute pression, haute température. Et puis ces roches-là, c'est le fun parce que encore une fois, c'est un peu comme des livres, elles enregistrent ce qui s'est passé. Et parfois, c'est les seules archives géologiques qu'on a des anciennes chaînes de montagnes ou aussi, par exemple, ce qui se passe dans les chaînes de montagnes actuelles. Alors, par exemple, en Himalaya, qui est une chaîne de montagnes qui est en train de se faire aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe à 30 km de profondeur parce qu'on n'a pas d'accès direct. Alors, on a des accès indirects avec des moyens géophysiques, par exemple, mais on n'a pas d'accès direct. Alors, pour pallier à ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir des chaînes de montagnes qui sont plus vieilles, qui ont été érodées, et pour celles-ci, on a accès à leur cœur. Et donc, on étudie les roches qui ont été à un moment au cœur d'une chaîne de montagnes pour en déduire des grands processus géologiques relatifs à la tectonique des plaques. Et puis, c'est ça, en étudiant la chimie de ces roches-là, la minéralogie de ces roches-là, en les datant, on est capable de dire à quelle profondeur elles ont été, à quelle température, combien de temps elles sont restées en profondeur, quand est-ce qu'elles ont été remontées à la surface. Et grâce à ces témoins-là, on essaye de... tant bien que mal de reconstruire la tectonique des plaques dans une région donnée à un moment donné. Ah ouais, on est capable de lire tout ça quand on prend un échantillon de roche, on est capable de raconter toute cette histoire-là. On est capable de raconter toute cette histoire-là, En faisant quoi? On quantifie les atomes, les minerais, comment on fait? Alors, pour les dater... On fait des coupes minces, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, alors souvent, nous, on va sur le terrain, donc on récupère on observe les roches, les relations entre les roches, les relations de recoupement. On sait qu'une roche qui recoupe une autre, elle est forcément plus jeune, donc tout de suite, là, on a un indice. Mm-hmm. On prend des échantillons, on va en laboratoire, on fait ce qu'on appelle des lames minces. C'est des lames qui font environ 30 micromètres d'épaisseur qu'on regarde au microscope. Comme les minéraux ont tous des propriétés optiques différentes, on est capable de les reconnaître. On regarde un petit peu les textures, on est capable de dater les roches. Donc ça, souvent, c'est avec des approches des radiochronomètres, donc la radioactivité naturelle des roches. On est capable de les dater. Et puis, pour estimer la pression et température, là, on fait plutôt ce qu'on appelle de la modélisation d'équilibre de phase. C'est un terme un peu compliqué, mais on est capable de quantifier relativement correctement, avec des incertitudes relativement correctes, la pression et la température. Ok. Donc, quelle pression et quelle température? On fait des modèles pour voir qu'est-ce qui a pu se produire en termes de pression, température, pour arriver à l'état dans des roches qu'on observe aujourd'hui. C'est ça, exactement. Mais les roches, elles se transforment. Hein. Donc, une roche qui a une certaine composition chimique, elle va avoir une certaine minéralogie en surface. Mais si je l'envoie à 30 km dans la croûte, sa composition va rester quasiment la même, mais sa minéralogie, les minéraux qui la composent vont changer. Donc là, c'est quoi la différence là, entre la composition, les minéraux? C'est quoi en fait un minéral? Alors, les roches sont toutes composées de minéraux. Ouais. Et cette composition-là est dictée par la composition chimique de la roche. Okay. Et donc, pour une composition chimique donnée, à une pression et température donnée, la roche va cristalliser certains minéraux. Mm-hmm. Et donc, si on est capable de les reconnaître, ça nous donne des indices, encore une fois, sur son histoire. C'est vraiment passionnant. Là, des fois, je regrette de ne pas avoir fait de la géologie pour être capable de lire, de lire le livre de la Terre quand je me promène. Ouais, c'est ça. Il faut aller se balader avec des géologues en randonnée, en général. Est-ce que la commission géologique fait des randonnées grand public? Alors, on fait des activités grand public, certaines qui sont récurrentes. Notamment, c'est ça, c'était hier. Mais l'année prochaine, je vous donne rendez-vous là. Bah, on va sûrement réorganiser de quoi pour la Journée internationale de la géodiversité. C'est ça. Un autre rendez-vous, sinon, qu'on aime faire, c'est le Lévisium, qui est un festival de sciences à Québec. Ouais, alors, à Lévis. Pardon, à Lévis, ouais. Et alors, souvent, là, on a aussi des roches, on présente la géologie de Québec. Donc, oui, ça fait partie de notre mandat, là, c'est sûr. Bon, c'était vraiment passionnant. On a presque hâte. Est-ce que c'est de faire ces études-là, en fait, est-ce que c'est juste pour comprendre comment se sont formés les Himalayas, ou est-ce que ça donne aussi des indices sur les ressources minières? Ouais, c'est les deux. Ouais, il y a des aspects de sciences fondamentales. On essaye vraiment de comprendre les processus géologiques fondamentalement. Mais oui, il y a une partie application pour l'industrie minérale. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien direct là entre les failles, la formation des gisements. Donc, on a besoin de comprendre tout ça si on veut trouver les prochaines cibles. Puis, c'est de plus en plus dur à trouver des gisements, parce que ceux qui étaient faciles, on les a trouvés. Ouais. Et donc, maintenant, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Donc, repousser nos idées, repousser les modèles, challenger les modèles existants, puis proposer des cibles d'exploration à l'industrie minérale. Très bien, c'était vraiment passionnant. Je regrette de ne pas avoir été hier à la visite de la chute Montmorency. Ça m'aurait permis de la voir autrement que comme un robinet d'eau. La prochaine fois, Alors, je vous remercie beaucoup Antoine Godet pour cette initiation à la géologie, et je rappelle que vous êtes chercheur scientifique à la Commission de géologique du Canada. Merci beaucoup. Alors, on va se quitter en écoutant Roche de Antonio.